那中西喽。 And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Vive le cinéma! Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. J'espère que vous allez bien. Comme chaque semaine, nous allons écouter des chansons de films, des musiques de films, des bandes annonces. On va regarder la bande son du cinéma. Vous le savez, Toiles et Sillons, c'est à la radio, mais aussi sur Internet, sur toilesetsillons.fr pour retrouver les émissions à télécharger, à écouter en direct ou bien pour s'abonner au podcast. Et la page Facebook Toiles et Sillons, vous cliquez sur « J'aime » et comme ça, vous serez tenu au courant de tout ce qui se passe dans l'émission. On va commencer comme d'habitude en chanson. Je vous emmène en 1955, un film réalisé par Hamilton Lusky et Clyde Geronimi. Ça vous dira peut-être plus si je vous dis que c'est le film Disney de cette année-là, La magnifique Belle et le très beau Clochard, La Belle et le Clochard. On va écouter Bella Notte, chanson de La Belle et le Clochard. C'est parti. Toi, près de moi, dans la nuit d'Italie, quelle belle, la belle notte. Tout est si doux, de Venise à Padoue, dans la belle notte. L'écho d'une sérénade, l'aubade d'un gondolier, la promenade d'un soir d'été. Je n'ai rien oublié. Car deux amoureux, ça fait deux cœurs heureux dans la belle notte. Qu'avant peu finirait cette belle, belle notte. Rien ne retient un amour qui s'éteint quand finit la belle notte. J'ai voulu faire un beau rêve, trop brève fut cette nuit, et tout s'achève, et tu t'enfuis, tu m'enlèves toute ma vie. Revivra mon amour dans la belle, la belle note. Mezzanotte, la chanson de La Belle et le Clochard, le Disney de 1955. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une nouveauté, une nouvelle comédie avec Zach Galifianakis, c'est pas facile à dire, star de la comédie aux États-Unis, et Owen Wilson. Il y a également Jason Sudeikis, Les Cerveaux Masterminds, une comédie complètement déjantée comme savent le faire ces nouveaux Américains. Et puis on va écouter juste après la musique signée Geoff Zanelli. Je m'appelle David Guetta. Je m'étais toujours dit que j'étais destiné à de grandes choses. Mais ça n'avait pas marché comme prévu. Jusqu'à ce que je rencontre Mademoiselle Kelly Campbell. Don't speak, even whisper. Tu ferais quoi avec $1 million? Montrais ma petite affaire. Je serais chasseur de primes. Chouette. Je te les mettrais tous en taule. Oh, oh, ça brûle. Oh mon Dieu, David, fais-moi voir. J'ai l'impression que la balle est passée juste dans l'arrêt des fesses. Oui, je crois qu'elle a longé l'arrêt et qu'elle m'a juste effleuré les couilles. Kelly m'a dit que vous bossiez ensemble à la Loomis. Moi, je dis que c'est une opportunité incroyable. Vous parlez de braquer une banque? C'est pas très difficile. Tu charges la camionnette. Merde. Et tu mets les voiles. La police considère qu'il s'agit du cas le plus important perpétré sur le sol américain. Les autorités sont à la recherche de cet homme. C'est un déguisement que j'ai fabriqué pour toi. $16.78. Je suis le fils de Jésus et de Catwoman. 17 millions qui manquent, 17. Je sais que vous êtes deux hommes qui font un travail difficile. Il est temps de dégager David Gaines de l'équipe. On peut pas faire ça, c'est moche. Bon, alors qui vous voulez que je tue? Oh, oh. Pas maintenant, pas quoi. C'est l'un des deux. Non. Montez dans vos chambres, les garçons. À tout à l'heure, les enfants. David Kent est ici, il veut se venger. Hey Steve, je crois que tu t'es attaqué au mauvais. Tu voulais dire quoi? Tiens bien, Denis Barr. Parfois, il faut savoir tout défoncer. Non, non, non, non. Celle-là, on l'a pas vu venir. On passe de la comédie à l'américaine à la comédie à la française. C'est ça, Toiles et Sillons. Nous avions Les Cerveaux, nouveau film. Et puis à l'instant, Gérard Calvi pour la BO de Vos gueules les mouettes. Un film réalisé dans les années 70 par Robert Derry avec Robert Derry, Colette Brosset, Pierre Mondy et toute la bande des Branquignols. Je vous emmène maintenant en 2015 avec une très belle comédie réalisée par Rémi Besançon. Une comédie douce amère sur l'amitié de deux potes de lycée, un qui a changé, qui a mûri, et l'autre pas du tout. Nos futurs, avec Pio Marmaille et Pierre Rochefort. On va écouter la bande-annonce de Nos futurs, et puis juste après, la musique signée Pierre Adenau. Allô ? Salut Thomas, c'est Yann. Yann ? Salut ! T'as pas changé, c'est incroyable ! Joint. Non, merci. Allez, c'est bon, décoince un peu, on dirait un vieux. Un vieux. T'as les poils de couteau blanc, hein? T'es couillé, alors regarde, question pour un champion, hein? C'est bon, arrête avec tes conneries, ça va. Tu t'es vu, toi? T'as complètement bugué. Condamné à vivre éternellement ton adolescence. J'ai un certain Thomas pour Monsieur Kerbeck, il dit qu'il a une idée de ouf. Il n'est pas là, c'est joli. Non, mais pas moi. Je t'ai vu. Bon, alors dis-moi, c'est qui? C'est quand même dingue que je sache rien de lui. Bonjour, sur place, c'est importé? Alors, c'est quoi ton plan de ouf? Une fête comme à l'époque. Avec tous nos potes. Comme avant. On commence par qui? D'abord, il nous faut du son. DJ Mad Max! Le mec le plus cool du bahut. Le mec le plus ouf, surtout. Complètement taré, quoi. Oh, mais ce cheval à sa place, arrête de le tripoter. Voilà, il est là. Il a pas écorné, quand même. Non, je l'ai pas écorné. Il a pas écorné, donne-moi ça. Putain, il a écorné. T'étais vraiment un gamin, quoi. Il y a plus de Mad Max, c'est clair? Salut, c'est Yann Kerbeck à l'appareil. Vous ne savez pas où vit votre fille? Terminale, lycée Montaigne. À mon avis, vous ne voulez pas me le dire. Elle me plaisait vraiment, Virginie. Hein. Pff, ça me foutra de la revoir. Moi, je crois qu'on n'oublie rien. Tout ça, ça reste quelque part. Ah oh, les gars, ça me fait plaisir de vous voir. Quand on était gamin, on croyait qu'on était tellement loin de la mort. T'y crois au paradis, à l'enfer, tout ça? T'y crois pas, toi? Le Nirvana de Kurt Cobain. T'y crois, ça? Ouais, ouais, j'y crois. On va continuer à se voir. Hein. On se perd plus de vue maintenant. Je propose qu'on refile la tente tout à l'heure. On attend un peu que ça se calme. Ouais, parce que là, bon, enfin, ça va. Hein. Un film fantastique, très joli film de 1999 de Gary Ross. Pleasantville, c'était avec Tobey Maguire, Jeff Daniels et Joan Allen. On vient d'écouter un extrait de la musique de Pleasantville signé Randy Newman. Plus près de nous, Nicole Garcia a sorti son nouveau film Mal de pierre avec Marion Cotillard et Louis Garrel entre autres. Ce n'est pas une comédie, Nicole Garcia réalise plutôt des films dramatiques et s'en éteint à nouveau. On va écouter la bande-annonce de ce très beau nouveau film signé Nicole Garcia et un extrait de la musique juste après qui est signé Daniel Pemberton. Nous serons nus. Je m'allongerai sur vous. Vous entrerez en moi. Qu'est-ce que vous avez à me regarder, là ? Gabriel ! Vous avez rencontré ma fille aînée ? Oui, elle est belle. Je ne vous mens pas, elle est malade. Elle n'est pas folle. Elle a besoin d'un homme dans sa vie. Vous voulez vous marier avec moi ? Vous êtes fou. Je vous aimerai jamais. Madame Rapascal Gabriel, vous êtes là pour 6 semaines. Ce dont vous souffrez, c'est ce qu'on appelle la maladie de la pierre. Bonjour. Je fais la cure. Moi, je descends jamais. Il y a que des malades en bas. C'est le livre que vous lisez ? Oui. Mon amour, ton corps m'a envahi. Je ne fais qu'attendre. Tu n'as pas encore répondu à mes lettres. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Je veux qu'on parle. Pourquoi tu m'as rien dit ? Tu fais quoi, tu parles ? Attendez ! Bonjour, Angélique. Émotive. Bonjour, Angélique. Tu te laisses pas impressionner par le patron, hein. Au premier abord, il a l'air dur. Et au second ? Toujours dur. Monsieur, c'est la première candidate pour la place. Vous aimez le chocolat ? Oui, il faut quand même pour... Merci. Elle convient. Je n'ai pas de problème avec les femmes. Elles me terrorisent, c'est tout. Je vais vous donner un petit exercice. Vous allez devoir inviter quelqu'un à dîner. Vous faites quelque chose jeudi soir ? Non, mais par contre, je vous invite au restaurant. Moi ? Ça pose problème ? Non. Bonsoir. Ah tiens, bonsoir. Être seul avec une femme, pour moi, c'est une torture. Mademoiselle Delange ! Vous allez devoir toucher quelqu'un. Toucher. Toucher comment ? J'avais réussi à lui prendre la main. Je suis désolée, mais on est tous les deux émotifs. On court à la catastrophe, c'est obligé. Cet homme, tu l'aimes. Courage ou pas courage, il va falloir y aller. Oh. Comment ça, non ? L'angoisse m'emporte. Ne laissez pas partir. C'est la femme de votre vie. Non, non, je ne suis pas prêt. On va attendre un peu. Je vais dormir dans le canapé. Mais il n'y a pas de canapé. Ah oui. Deux cinémas, deux ambiances. Tout d'abord, en 1967, La nuit des généraux d'Anatole Litvak avec Juliette Gréco, Peter O'Toole et Tom Courtenay. On a entendu un extrait de la musique de La nuit des généraux signée Maurice Jarre. Et à l'instant, une comédie, toute jolie comédie, Les émotifs anonymes de l'excellent Jean-Pierre Améris avec Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde dans le rôle de ces fameux émotifs qui finissent par tomber amoureux, mais ils ont un peu du mal. On va changer complètement d'ambiance, on va aller en 1993 avec un pur film d'action signé Kevin Hooks avec Wesley Snipes et Tom Sizemore, Passager 57. Parmi les auteurs de la bande originale du film, il y avait une reprise d'un morceau de Stevie Wonder. Mais là, c'est Stanley Clark qu'on va retrouver juste après la bande-annonce de Passager 57 pour le morceau Looking Good, Cutter's Theme. On part dans l'action avec Passager 57. Et puis juste après, une comédie policière, le volume 2 des Ripoux, Ripoux contre Ripoux, c'était en 1989. Et la musique était signée, bien sûr, Francis Lai. Ramsay me demande un type de pointe pour coiffer la cellule antiterrorisme. Un poste aussi top, je ne vois tout. Je ne veux pas de cette responsabilité. Ah. Reste pas sur le banc de touche. Allez, reprends le match. Enfin, on a arrêté le pirate de l'air le plus dangereux. Pour le juger, le FBI le transfère par avion. Il faut que mon groupe soit prévenu. Ils sauront quoi faire. C'est là une erreur fatale. Une fois de plus, Charles Rennes règne en maître. Comment désirez-vous votre entrecôte ? Bien saignante. Mais il avait oublié un tout petit détail. 53, 54, 55, 56, 57. Le passager 57. Je regarde votre show tous les lundis. Mon show ? Oh, je ne manque pas ça. Ouh, ouh, ouh. Qui commande ? C'est moi. Je repose la question. Qui commande ? C'est vous. Wesley Snipes. Non, non, non, c'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. Tu vas t'asseoir ! Pas un geste ! Lui, c'est John Cutter, de la sécurité aérienne. Dites-moi que vous avez le savoir-faire. Je suis le meilleur. Ça fonctionne pas exactement comme prévu. Hein. Faut pas te vanter si vite. Pour Italo Park, faut prévoir l'atterrissage. Vous inquiétez pas, je suis des vôtres. Est-ce que ton père t'a pas appris qu'on n'a jamais un gamin à faire le travail d'un homme ? Wesley Snipes. Il nous faut un coup de main ? Non. Lui, je me le réserve. Passager 57. Tu aimes jouer à la roulette ? De temps en temps. Laisse-moi te filer un tuyau. Parie toujours sur le noir. Dans le genre western spaghetti, 5 hommes armés en 1970, un film de Don Taylor et Italo Zingarelli avec Bud Spencer, James Daly et Peter Graves, monsieur Mission Impossible lui-même. Le film se passait pendant la Révolution mexicaine et la musique était signée Ennio Morricone. Nous arrivons à la fin de ce Toiles et Sillons. J'espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de votre émission qui écoute le cinéma. On va se retrouver très vite pour un nouveau Toiles et Sillons avec encore des bandes annonces, des musiques et des chansons de films. Vous le savez, Toiles et Sillons, c'est aussi sur internet, sur toilesetsillons.fr pour retrouver les émissions à télécharger, à écouter en direct ou pour s'abonner au podcast et la page Facebook Toiles et Sillons pour être au courant de ce que l'on écoute dans l'émission. On va se quitter avec une nouveauté, un film signé David Yates, Les Animaux Fantastiques, d'après la maman de Harry Potter, J.K. Rowling. Dans le film, il y a Eddie Redmayne et Catherine Waterston, entre autres les aventures de Norbert Dragono, l'auteur du livre Les Animaux Fantastiques qu'étudiait Harry Potter dans ses aventures. Film fantastique avec plein de bestioles plus improbables les unes que les autres. Les Animaux Fantastiques, on va se quitter avec tout d'abord la bande-annonce et ensuite la musique qui est signée James Newton Howard. On se retrouve très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Vous savez depuis 24 heures qu'un sorcier clandestin a lâché des animaux magiques en plein New York? Oui. Où est cet homme à présent? Alors, c'est vous le gars à la valise remplie de monstres. Les nouvelles vont vite. Monsieur Dragono, vous connaissez un peu la communauté des sorciers d'Amérique? Rien ne nous échappe. Je crois que votre affaire est close. Vous avez bien effacé sa mémoire au nom mage. Ou quoi? Au nom magique, les non-sorciers. On les appelle les moldus. Je crois pas que je rêve. Comment avez-vous deviné? Je suis incapable d'imaginer tout ça. Quelque chose rôde dans notre ville. Qui détruit tout. Et puis disparaît sans laisser de traces. Les sorcières sont parmi nous. Nous vivons dans l'ombre depuis trop longtemps. Je vous le demande à tous. Qui cela protège-t-il? Nous? Ou eux? Le danger, il sent le danger. Tout ceci est lié aux attaques de Grindelwald en Europe. Nous risquons une guerre. Vous avez un plan, j'espère. Ils ont besoin de nous. C'est tout ce qui s'est échappé de la valise? Je n'en laisserai pas mourir un autre. Je ne veux plus obéir aux ordres. Monsieur Dragono.